Est-ce que l'amour existe à Paris ? Dit Léon de Lora. Personne n'y a le temps de faire sa fortune. Comment se livrerait-on à l'amour vrai qui s'empare d'un homme comme l'eau s'empare du sucre ? Il faut être excessivement riche pour aimer, car l'amour annule un homme, à peu près comme notre cher baron brésilien que voilà. Il y a longtemps que je l'ai déjà dit, les extrêmes se bouchent. Un véritable amoureux ressemble à un eunuque, car il n'y a plus de femme pour lui sur la terre. Il est mystérieux, il est comme le vrai chrétien, solitaire dans sa thébaïde. Voyez-moi ce brave Brésilien. Toute la table examina Henri Montes de Montejanos, qui fut honteux de se trouver le centre de tous les regards. Il pâture là depuis une heure, sans plus savoir que ne le saurait un bœuf, qu'il a pour voisine la femme la plus, je ne dirais pas ici la plus belle, mais la plus fraîche de Paris. Tout est frais ici, même le poisson, c'est la renommée de la maison, dit Carabine. Le baron Montes de Montejanos regarda le paysagiste d'un air aimable et dit « Très bien, je bois à vous !» Et il salua Léon de Lora d'un signe de tête, inclina son verre plein de vin de Porto et but magistralement. « Vous aimez donc ?» dit Carabine à son voisin, en interprétant ainsi le toast. Le baron brésilien fit encore remplir son verre, salua Carabine et répéta le toast. « À la santé de madame !» dit alors la Lorette d'un ton si plaisant que le paysagiste, Dutillet et Bixiou partirent d'un éclat de rire.